Un bout de temps que je rappe, mais le monde s'en bat les steaks. Je me suis cru fort, on m'a dit, bah toi s'en bat les mecs. Mais je continue de penser que je me vole le rap en planant. Je fume les MC en taffant, je les éclate en blaguant. Toi et moi, ça me différent, petit tac en bêta. Arrête ton son putain, qu'on croit que tu rappes en pétard. C'est embêtant et pourtant ça me rend une patte en étant donné. Je bouge à 100 à l'heure, dans des impôts, dans des ordonnées. Désolé MC, l'esprit de compétition m'a mis. Manière qui est mugen, c'est vrai, même démoniaque. J'ai essayé d'être sympathique, mais j'ai la méprise de la nerf. Déconseillé aux sympathiques qui risquent la crise cardiaque. Les rappeurs sont strange. Au lieu de s'émancer, se prennent pour des carrières à la Camaro, petit take it easy. Des petits zéros, sorry de te say, mais au stress. Motherfucker, les carrières t'appelleraient Lil Zizi. C'est Mugen, je te dis au revoir. Y'en a ras le bol d'être invisible. Mes super pouvoirs me rendent invincible, mais je touche personne, je rate toujours ma cible. Un loser qui fait du rap, j'en ai marre d'être le dindon de la farce. Donc je me barre, je te dis ciao, je ne reviendrai pas. À moi d'un miracle, le bon son qui tourne en boucle, tu sens que ça manque. Je n'arrêterai pas la musique, je veux pas que le rap manque. Les gangsters c'est un samouraï à cracher mes gueules. Je leur crache un mot là, rempli de la morve de Mugen. Sans la musique, dis-moi, qu'est-ce que je deviendrai. J'ai la verve qui est nerf, n'essaie pas de m'humilier. Car au fond tu le sais, me clash et reviendrai. À défier Bruce Lee en combat singulier. Alors comme ça tu parles bête, viens qu'on cause un peu. Je te montre comment ça pose. Je te transperce le cœur, comme ça ton petit cœur. Innovation pour le vainqueur, du grand tour à des rappeurs. L'impact sera fatal, toi-même tu y goûteras. Je me suis fait chier à faire du lourd, mais dis-moi ça me rapporte quoi. Ce morceau est pourri, mais personne l'écoutera. Donc je peux me permettre de dire tout et surtout n'importe quoi. Mugen signifie infini ou fantaisie. Tout point commun avec du putain de bon rap serait fortuit. Non frère c'est volontaire, alors dis-moi pourquoi tes yeux. Télécharge mon album, connard il est gratuit. N'attends pas le refrain, y'en a pas. Ceci signe la fin de mon inspiration pour ce beat. Un deuxième pas dans la merde, toujours aucun dans la musique. Le hip-hop me déteste, j'en ai marre, je le quitte. Ciao.